بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On est arrivé au hadith numéro 84. L'auteur رحمه الله qui nous dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم. Donc l'auteur qui nous dit selon Abi Hurayra رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah et qu'ils croient en moi et qu'ils croient en ce avec quoi je suis venu. Et s'ils font cela, alors ils auront préservé de moi leur sang et leur bien sauf en droit, c'est-à-dire sauf si ils font quelque chose, ils violent donc un principe en islam qui implique une sentence. Wa hisabuhum 'ala Allah, et leur jugement revient à Allah le Très-Haut. Rapporté par l'imam Muslim. Et donc ici on est toujours, chers frères, nahnu la nazal fi bab huquq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On est toujours dans le chapitre concernant les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لذا يتبين ويتضح لنا جميعا أن المراد من المؤلف من إيراد هذا الحديث هو بيان وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. Et donc on est toujours dans le chapitre concernant les droits du prophète صلى الله عليه وسلم, et à partir de là il apparaît clairement que l'auteur رحمه الله il nous cite ce hadith pour nous montrer le caractère obligatoire de la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi de croire avec et de croire en ce avec quoi il est venu. Et donc on a aussi le fait ici de ne pas prendre que le Coran en délaissant la Sunna. Il est obligatoire de croire en tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. El Kitab wa Sunna, le Coran ainsi que la Sunna. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل لدخول الناس في الإسلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a combattu afin que les gens rentrent en islam. العلامة ابن العثيمين رحمة الله عليه يقول لنا إن القتال هناك فرق بين القتال والمقاتلة. Le cheikh ابن العثيمين رحمه الله il nous dit que dans la langue arabe il y a une distinction entre القتال و Al-Muqatala. Al-Qital, c'est donc le combat qui est forcément avec les armes. Al-Muqatala, le masdar du verbe qui a été utilisé ici, An-Uqatil, c'est le fait de combattre, que ce soit avec des armes ou même sans les armes. On le dit même dans la langue française, le fait qu'une personne fait des efforts pour la da'wah, pour propager l'islam, il enseigne, il donne des cours. On peut dire en français que cette personne-là mène un lourd combat. Ça se dit aussi dans la langue française. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu pour la propagation de l'islam. لِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامِ ابْنُ بَيْزٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا انْتَشَرَ الْإِسْلَامُ فَلَا قِتَالَ. Il dit ce qui est voulu par le combat, c'est la propagation de l'islam. Et donc, si l'islam est propagé, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat si l'islam est propagé. Ça, c'est donc une parole de l'imam ibn Ubayz, rahmatullahi alayhi. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَّضِحُ لَنَا جَمِيعًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ. Il apparaît clairement. Et donc, parmi les droits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il est obligatoire de croire en lui. Ça, c'est une obligation. Et on doit croire en ce avec quoi il est venu. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit exagérer le concernant, sallallahu alayhi wa sallam? La abadan. On ne doit pas exagérer le concernant. Et il y a des éléments qui montrent que c'est un être humain, on ne doit pas exagérer le concernant, le fait qu'il ne connaît pas l'invisible. Et c'est pour ça qu'il dit, ici dans ce hadith, à la fin du hadith, « وَحِسَبُهُمْ عَلَى اللَّهِ » Et leur jugement dépend d'Allah. Le jugement reviendra à Allah. C'est-à-dire, « هَؤُلَاءِ النَّاسِ يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا » Ces gens-là, ils montrent qu'ils se sont convertis, qu'ils ont accepté l'islam. « فَنُعَامِلُهُمْ بِالظَّهِرِ » Alors, on se comporte avec eux de façon apparente. Ils nous montrent de façon apparente qu'ils sont musulmans. Alhamdulillah, on se comporte avec eux comme tel. Mais maintenant, s'ils cachent en eux une mécréance, alors, hisabuhum ala Allah, leur jugement reviendra à Allah. Nous, on ne peut pas savoir. D'accord ? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yakun ya'lam il-ghaib. Et c'est à partir de là qu'on va à un autre sujet qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration. Et ça fait partie de ses droits. Toute personne qui va par amour pour le prophète ou autre qui va l'adorer n'aura pas respecté les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de croire qu'il est le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il ne mérite pas l'adoration. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul » Dis, je ne suis pas le premier messager qui vient à vous. Je ne suis pas le premier. « Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum » Et je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Je ne sais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas. Il ne savait pas ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala allait faire de lui ni des autres. Car il ne connaît pas l'invisible. Et donc il est important de comprendre ici que parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'on ne peut pas exagérer le concernant barakallahu fikum. Le hadith numéro 85, walahuma. Et donc toujours selon al-Bukhari wa muslim. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. Il y a trois caractéristiques qui, si elles sont rassemblées chez une personne, cette personne va bénéficier du délice de la foi. Quelles sont ces caractéristiques? Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma » Que Allah et son messager soient plus aimés pour cette personne que quiconque. Deuxième caractéristique, « An yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah » Que cette personne, elle aime quelqu'un lorsqu'elle aime, elle ne l'aime que pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Troisième caractéristique, an yakraha an ya'ouda fil kufri ba'dama anqadhahu Allah ta'ala minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Le fait que la personne déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, de la même façon que cette personne détesterait être jetée dans le feu. Idhan ayyuha al-ikhwa, alayna kullina an nahris على هذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث. Et donc, oh chers frères, nous devons nous efforcer, tout un chacun, de rassembler ces caractéristiques qui sont citées dans ce hadith. Et la première caractéristique citée dans ce hadith fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Le fait que Allah et son messager soient plus aimés pour cette personne que quiconque d'autre. Le fait que tu aimes Allah et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus que quiconque. Tu vas me dire, plus que ma femme? Je vais te dire, oui, plus que ta femme. Mes enfants? Oui, plus que tes enfants. Plus que toi-même. Comme on le verra, inshallah ta'ala. Et c'est pour ça que les savants, ils nous disent, إذا تعارضت محبة الله ورسوله بمحبة غيرهما يجب تقديم محبة الله ورسوله. Si l'amour d'Allah et son messager, donc le fait d'aimer Allah et son messager, s'oppose à l'amour d'une autre personne, alors il est impératif, il est obligatoire de faire prévaloir l'amour d'Allah et de son messager. Exemple. Tu aimes le confort, tu aimes la carte vitale, tu aimes les aides de je ne sais pas quoi, combien d'aides tu as dans l'année, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu aimes tout ça, mashallah. Tu aimes que quand tu tournes le robinet, ça coule tout de suite, mashallah. Il n'y a pas de coupure d'eau, pas de coupure d'électricité. T'es bien, mashallah. Tu aimes le confort. Pareil, tu aimes Allah et son messager. Tu te retrouves dans une situation où on t'empêche de pratiquer ta religion dans le confort dans lequel tu es. Qu'est-ce que tu fais prévaloir ? Allah et son messager ou le confort que tu as, le luxe que tu as ? Tu fais prévaloir Allah et son messager et tu vas dans un autre endroit où tu peux pratiquer ta religion. Ce que je trouve étonnant, subhanallah, cette histoire de vaccin, elle nous a fait sortir des choses. Franchement, je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne m'attendais vraiment, vraiment, vraiment pas à tout ça. Aujourd'hui, des personnes avec qui j'avais débattu il y a longtemps sur des sujets concernant l'islam, ces personnes qui me disaient « Oui, mais l'islam, il y a ci, l'islam, il y a ça, l'islam, il y a ci. » Tu leur dis « Mais où c'est que tu as pris tous ces mensonges ?» Ils te disent « Oui, c'est la télé, c'est la télé. » Aujourd'hui, ces mêmes personnes, ceux qui te disent « Ah, la télé, c'est des menteurs, ils veulent nous imposer ci, la télé, ça, la télé, ci. » Tu dis « Tiens, et si c'est des menteurs pour le vaccin, pourquoi c'est pas des menteurs pour l'islam ?» Hein ? Et donc, aujourd'hui, donc par rapport au sujet dont on parle, tu trouves, subhanallah, des non-musulmans qui sont prêts à partir au Maroc. Ils sont prêts à partir au Maroc, hein. Pourquoi ? Ils te disent pour ne pas faire le vaccin. Ils sont prêts à partir au Maroc, des non-musulmans. Ils ont dit, il faut quitter l'Europe, il faut quitter toute la zone Europe pour aller là-bas, pour ne pas faire le vaccin. Tu demandes aux musulmans, bon alors, on retourne dans nos pays, l'Illa, pour Allah. Attends, on fait le hisab et tout, Inch'Allah, on va voir. Biiznillah, on prend le vaccin, on reste en France, on prend l'argent, et Alhamdulillah. Et donc, il est où notre amour pour Allah, tabaraka wa ta'ala ? Qu'est-ce que tu dois faire pour prévaloir ? Attention ici, je ne parle pas donc d'histoire de... Je vous ai cité le vaccin, mais ce n'est pas la priorité du cours, attention. Comme je dis à tous, je ne suis pas docteur, ce n'est pas moi qui vais vous dire s'il faut prendre le vaccin, s'il ne faut pas le prendre. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Moi, mon travail, il est ici. Donc, ici, par rapport à ça, les frères, ce sujet important, donc ce sujet de l'émigration, le fait de la difficulté, on aime notre confort. Rappelez-vous la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous dit « Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha » dit « Si donc vos parents, el-eba, ce qui est voulu par là, ce n'est pas forcément le père. » Attention en arabe, el-eba, ce n'est pas que le père. Ça va plus loin, c'est le père, le grand-père, et donc tout ce qui s'ensuit. El-ebna, les enfants, c'est toute la descendance. D'accord ? Si donc, si votre lignée, votre descendance, vos épouses, vos proches, et vos biens que vous avez gagnés, et votre commerce dont vous craignez sa perte, si tout cela, tout ce qui a été cité, ainsi que des demeures que vous trouvez plaisantes, mashallah, le confort, le robinet qui coule, l'électricité, tout ça, et des demeures que vous trouvez plaisantes, si tout cela, ahabu ilaykum, ahabu ilaykum minallahi wa rasulihi, si tout cela, vous le favorisez, vous l'aimez plus qu'Allah et que son messager, et que le fait de combattre dans le sentier d'Allah, fatarab basu. Alors attendez, jusqu'à quand? Hatta ya'ti Allahu bi amri. Jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre. Attends jusqu'à la mort, et ensuite on verra. Attends jusqu'à la mort, et ensuite on verra. Et donc, il nous est obligatoire, ô chers frères, de faire prévaloir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager, tout en sachant que c'est d'abord l'amour d'Allah. La base, elle asl, an tuhibba Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma ba'da dhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qaddama hubba Allah ala hubbi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord cité l'amour d'Allah avant le fait de l'aimer lui sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك أيها الإخوة هناك حديث أنا كنت أود أن أذكره في آخر الدرس لكننا سنذكره الآن أخرج الترمذي parce que ça c'est une fitna ça c'est une fitna pour certains le confort la famille ah je veux partir en Hijra ma famille mon épouse ne veut pas mes enfants comment je vais faire etc طيب الترمذي لا سيتنا صن ركاية سلونا عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ابن عباس رضي الله عنهما il fut interrogé concernant la parole d'Allah تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ô vous qui avez eu la foi Inna min azwajikum wa awladikum, il y a parmi vos épouses et vos enfants, aduwan lakum, un ennemi pour vous. Fahdharuhum, alors méfiez-vous. Ibn Abbas a été interrogé concernant ce verset. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Il dit Ha'ula'i rijalun aslamu min ahli Mekka wa aradu an ya'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا أصحابهم قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا Inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. Il nous dit Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Donc ce verset concerne des gens qui se sont convertis à la Mecque. Des gens de la Mecque qui se sont convertis. Et ils ont voulu émigrer. Ils ont voulu donc aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Leurs familles, leurs épouses et leurs enfants ont refusé cela. Ils sont donc restés à Mecca pour leur famille et leurs enfants. Et plus tard, lorsque effectivement plus tard ils ont fait l'émigration et qu'ils ont vu que les compagnons qui étaient avec eux à la Mecque et qui ont émigré avant eux, lorsqu'ils ont vu que cela avait avancé dans l'apprentissage de la religion, etc., ils ont voulu punir leurs proches. Ils ont voulu punir leurs épouses et leurs enfants qui les ont empêchés de partir. C'est là que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre ce verset. Fahdharuhum, méfiez-vous d'eux. Si cette épouse, si cet époux, si cet enfant t'appelle à la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, laysa laka an tuti'ahum. Tu n'as pas le droit de les obéir. Pourquoi? Li'annaka tuqaddimu hubballah wa rasulihi ala hubbi ghayrihi. Parce que tu fais prévaloir l'amour d'Allah et l'amour de son messager à l'amour de quiconque. Que ça soit ton épouse, que ça soit ton époux, que ça soit tes enfants, que ça soit tes parents, les grands-parents, quiconque. N'importe qui. Tu dis non, stop, ça s'arrête là. Je ne désobéis pas à Allah et son messager pour une créature d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La ta'ata lil makhlouq fi ma'siyatil khaliq. On n'obéit pas à une créature dans la désobéissance du Créateur. Et ensuite, après cela, il y a un point essentiel, c'est que le deuxième point, la deuxième caractéristique qu'il nous cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous dit « An yuhibba al-mar'a, la yuhibbahu illa lillah » que lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes que pour Allah. Ça, c'est lié au premier sujet qu'on a vu. Fa'innaka likawnika tuhibbu Allah wa rasulahu fa tuhibbu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Et donc, vu que toi tu aimes Allah et son messager, tu vas donc aimer ce qu'Allah et son messager aiment. Et donc, lorsque tu vas aimer quelqu'un, tu vas l'aimer pour Allah. Parce que cette personne obéit à Allah. Cette personne adore Allah. Cette personne ne fait pas d'innovation, pas de bidar, pas de polythéisme. Cette personne n'est pas connue pour les péchés, etc. À ce moment-là, oui, tu vas aimer cette personne. Par contre, le fait d'aimer quelqu'un, une personne parce qu'elle a de l'argent, elle a, mashallah, 5 sociétés, elle a ci, ça, ça. Peu importe ça. Et encore, souvent c'est blâmable. On me dit, il a gagné la coupe de je sais pas quoi. Allez. Et donc, il faut qu'on fasse attention, oh, chers frères, barakallahu fikoum, à ce sujet essentiel qui fait partie de la foi. Wa kadhalika takrahu an ta'ouda fil kufr. Tu détestes, il y a le fait que tu détestes retourner dans la mécréance. Ça veut dire quoi, ça, détester, retourner dans la mécréance? Si tu demandes à quiconque, est-ce que tu détesterais retourner dans la mécréance? Il va te dire, non, je ne veux pas, ah non, pas du tout, alhamdoulilah, l'islam, alhamdoulilah. Est-ce que vous savez que la mécréance, elle a des mokaddimat? La mécréance, elle a des éléments qui viennent avant elle. Hein? Avant de tomber dans la mécréance, il y a quoi? Il y a les péchés. Les péchés, le péché qui t'amène au péché, qui t'amène au péché, qui t'amène au péché, qui t'amène à la mécréance. Et donc, il est impératif qu'on déteste cela. On déteste la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et à son messager. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, « Walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi kulubikum. » Allah, il vous a fait aimer la foi. Et il l'a embelli dans vos cœurs. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Et il a fait que vous détestez la mécréance, la perversion et la désobéissance. Si tu trouves ça dans ton cœur, alhamdulillah. Tu ne trouves pas ça dans ton cœur, soigne-toi. Soigne-toi, car c'est ça qui mène à la mécréance. Le fait d'aimer les péchés, aimer la fornication, aimer riba, aimer si. Non. Tu dois aimer ce qu'Allah aime et tu dois détester ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, déteste. Le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, qui en réalité, il est lié au hadith qu'on vient de voir, toujours dans Sahih al-Bukhari et Muslim, marfou'an, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « La yu'minu ahadukum » hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, aucun d'entre vous n'a la foi. Aucun d'entre vous n'a la foi tant qu'il ne m'aimera pas plus que son père, que son enfant et que tout le monde. On doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde et plus que nos propres personnes. Ça, c'est un fondement dans notre religion. C'est un fondement dans notre religion. Et on va continuer, inshallah ta'ala, bi'idnillah, demain encore, à aborder ce sujet concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite est de nous placer parmi ceux qui aiment Allah tabaraka wa ta'ala et son messager, et parmi ceux qui restent dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.